vous. Vous croyez tout connaître sur les plaisirs. Tout ce que vous voulez faire, on l'a fait et on a même fait pire. Ce que je vais raconter là est sordide. Je vous préviens maintenant. Âme sensible, veuillez prendre la sortie. Moi, je reste flotter quand je suis dedans. Quel plus grand plaisir qu'atteindre la jouissance. Un sentiment d'euphorie comme une allégorie à une démonstration de puissance. Aucune limite à ma libido. Je cherche ma satisfaction avant tout. Et peu importe qu'on m'y ait pas invité, par la force j'aurai toujours l'avantage. Et ce peu importe l'âge. Ressentez les vibrations provoquées par la candeur des parties prépubères. Ça c'est le summum de l'excitation. Et c'est pas tout, j'ai de la suite dans les idées. Je veux prendre du plaisir à mort en me vidant